La chaussée sur laquelle je circule comporte des voies affectées à des directions données. Les panneaux à fond vert indiquent les directions vers les villes importantes. Dans ce cas, pour prendre la direction vers Bordeaux, je suis obligé de rester sur la voie de gauche et suivre cette direction jusqu'à ce qu'une autre indication plus précise me soit donnée. Je suis sur la bonne voie pour aller vers Bordeaux. Réponse A.